spot. Je faut le s'aimer d'un pays sans âme, la nuit qui descend serrer, tombe comme un sabre, voilà l'océan de ce te monde fou, écris-moi mon la amour, terre se défend, je veux t'aimer encore, je veux t'aimer plus fort. Mon amour, la nuit qui descend, fait gémir. Je suis à la frontière d'un pays. Hey, thank you.

We'll be right back.